Le jour où Swann dînait en ville, il faisait atteler pour 7h30. Il s'habillait tout en songeant à Odette, et ainsi il ne se trouvait pas seul, car la pensée constante d'Odette donnait au moment où il était loin d'elle le même charme particulier qu'à ceux où elle était là. Il montait en voiture, mais il sentait que cette pensée y avait sauté en même temps et s'installait sur ses genoux comme une bête aimée qu'on amène partout et qu'il garderait avec lui à table à l'insu des convives. Se sentant souffrant et triste depuis quelque temps, surtout depuis qu'Odette avait présenté Forcheville au Verdurin, Swann aurait aimé aller se reposer un peu à la campagne, mais il n'aurait pas eu le courage de quitter Paris un seul jour pendant qu'Odette y était.